êtes rock, vous êtes blues rock. Alors rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight to the blind. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Avec moi, comme tous les jeudis, Francis aux manettes. Hello Marie, bonsoir. Et nous vous l'avions promis la semaine dernière, il y a un invité, il commence à avoir l'habitude de venir dans les studios puisque à la même époque, quasiment tous les ans, Patrick vient nous présenter la programmation Blues en Or. Bonsoir Patrick. Eh bien bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors il y a beaucoup de dates, 13, il y en a plus que l'année dernière ? Non, l'année dernière, c'était le 15e anniversaire, on a fait 15 dates. Ah oui, d'accord. Mais si on part dans la surenchère, pour le 20e anniversaire, on n'aura plus de place sur la plaquette. Donc ah on oui. est revenu à un peu à la vitesse de croisière. Les années précédentes, il y en a 12, 13. Bon, ben là, on en a 13. Oui, mais c'est pas mal, hein. C'est bien. Ouais, puis ça se répartit bien sur toute l'année, puisque ça commence le 12 octobre et ça se termine le 31 mai 2018. Oui. Ça s'appelle plutôt une saison. Oui, plutôt qu'une année. Mais moi, voilà. J'arrive pas à ne pas parler en année scolaire. Ben, t'as raison. Voilà. Donc, on commence avec une dame. Oui, on a essayé de respecter la parité. On a exactement le même nombre d'artistes féminines que masculins cette année. C'est bien, ça. Et donc, on commence par une artiste qu'on a découverte il y a 2 ans, en tout petit comité à l'Hospice d'Avray, au Jazz Club Tourcoing Jazz Club. JJ Sames, qui est une artiste, une jeune, hein, pour une chanteuse soul blues, elle a à peine une petite trentaine d'années. Et c'est une artiste de Detroit City, la ville Motown, et d'Iggy Pop. Et de Johnny Hooker, évidemment. Donc c'est une artiste qui dégage sur scène, hein, elle met le feu. Hein. C'est la tradition des chanteuses soul blues, ouais, avec du coffre. Je l'ai jamais vu. Coffre avant et arrière. Et ben Gigi Thames, on l'écoute, vas-y Francis. Slip, bomb is laying on the radio, singing off a pouvons-nous voir cette charmante demoiselle, Patrick ? Eh bien, en ouverture de saison, jeudi 12 octobre, à la MJC de Croix, qui est un peu le berceau de Blues en Noir, puisque les premières saisons se passaient exclusivement là-bas. Maintenant, ça a essaimé sur toute la métropole, y compris en Belgique, d'ailleurs. Oui. Y compris, d'ailleurs, à deux pas d'ici, à Marius Taquet, au centre culturel. Enfin, détaillera après. Là, ça se passe jeudi 12 octobre à la MJC de Croix, à 20h30, salle Cocteau, 105 places. Oui, sont exceptionnels. Ah oui. Mais réservation plus que recommandée, parce que c'est très vite plein. Ouais. Si vous arrivez le soir même, la bouche en cœur, c'est liste d'attente. Avec le risque de ne pas pouvoir rentrer, ce qui est toujours un crève-cœur pour tout le monde. Ouais. Donc réserver, ça ne coûte pas grand-chose. De réserver, ça peut même se faire par téléphone. Si vous appelez de Belgique, vous faites le 00 33 pour la France. Et après, vous faites 320 72 42 12. Depuis la France, vous faites 0320 72 42 12. Voilà. C'est jeudi pas... 12 octobre. Voilà. Donc pour cette première date de début de la saison Blues en Or. Après, autre date au mois d'octobre. Alors là, on saute carrément. On change complètement de jauge, comme on dit dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on prend une salle beaucoup plus grande. Vraiment beaucoup plus grande. 3,5 fois plus grande. Le Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Et il faudra au moins ça pour accueillir une des stars de notre saison. Une de grandes têtes d'affiche, puisqu'il s'agit d'un artiste régulièrement primé aux Grammys, etc. Si tant est que ça veut dire quelque chose, après tout, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il vient d'une grande famille, c'est une entreprise familiale. C'est Kenny Neal. Kenny Neal, c'est le fils de Raffles Neal, qui était une star en Louisiane. Leur père, je dis leur père parce que Kenny, avec ses frères, accompagné son père pendant des années, c'est comme ça qu'il s'est fait les dents dans le milieu musical. C'est une famille musicale louisianaise, ça veut tout dire. La Louisiane, c'est vraiment la terre de métis, de métissage par excellence en matière musicale. On dit toujours que New Orleans, c'est le berceau du jazz, mais là se jette l'estuaire du Mississippi, pas très loin les Caraïbes. Le blues louisianais depuis toujours est teinté de mambo, de musique créole, de zydeco. C'est toujours très très dansant. Et Kenny Neal a perpétué la tradition familiale puisque son père est disparu. Il a continué à jouer avec ses frangins. Et donc là il vient avec deux de ses frères. Évidemment ils ne sont pas que trois sur scène, ils sont même beaucoup plus nombreux. Ça va être une soirée phénoménale. Il y aura des cuivres, évidemment il y a les percussions. Kenny Neal, il est à la fois harmoniciste, chanteur, guitariste, un excellent guitariste. Et il joue de temps en temps aussi du washboard, cet instrument typique de la Louisiane, la planche à laver. Ok, donc ça va être un chouette concert. Oui, ça c'est le 20 octobre donc au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Je dirais pas que la réservation est moins recommandée. Bon, on peut toujours risquer d'arriver le soir même, mais bon, ça va être vite plein. Donc là, pour la réservation, il faut appeler Jazz en Or au 0033 328 04 77 68. Et pour les Béotiens qui ne parlent pas wallon, donc les Français, le 0328, je me plante déjà, 03 28 04 77, 68. Voilà, le 20 octobre au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Grande salle, grande visibilité, grand bar et bon son. Et voici ce que vous pourrez entendre. Kenny Neal. Every time I turn around, the blues is right there. I take a deep breath, the blues is in the air. I say the blues, please leave me alone. I think you ought to go back to your troubling home. Leave me alone. for your troubling home. Voilà, c'était funk, notre Kenny Neal. Mais comme tu disais, il n'y a pas que du funk chez lui. Non, il y avait, comme dans toute la musique louisianaise, c'est un grand gumbo, quoi. Comme il dit, c'est une ratatouille, on dirait, chez lui. Donc ça, c'est le vendredi 20 octobre au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Pas mal de dates à Marc-en-Barœul, plus oui, que les autres années. Cette année, on en a quatre. Ouais. Oui, oui, oui, ouais. Le partenariat avec Marc-en-Barœul s'est particulièrement renforcé cette année. Oui. Parce qu'à un moment, il y avait une saison blues à Marc-en-Barœul qui est tombée. Et puis, c'est bien. Si ça reprend, c'est très bien. Oui, ça repart. Mais on a la chance d'avoir un service culturel assez ouvert. Edwin, qui est le responsable de la programmation là-bas, est un type qui a une culture très large et qui aime le blues. Donc, il nous a pas spécialement favorisé, mais pas défavorisé non plus. Donc cette année, on a carrément quatre dates là-bas. Donc la première, c'est Kenny Neal. La seconde, qui suit d'ailleurs, c'est le 17 novembre, un vendredi. Là, on est très très très fiers d'avoir récupéré cette dame. C'est Martha High, qui est l'ancienne choriste de James Brown et de Maceo Parker, avec lequel elle est toujours restée très amie, puisque malheureusement, James Brown nous a quittés, maintenant ça fait 11 ans. Bientôt, mais Maceo est toujours là. Et donc, Martha High, c'est la dame qui se dandinait avec un tambourin et en poussant des cris, la plupart du temps à droite de James Brown, à droite du père. sur scène. James a toujours eu des chauffeurs de salle comme ça à côté de lui. Il avait toujours eu une dame et un monsieur. La dame, c'était elle. Martha Raye, qui l'a connue et embauchée carrément en 66. Qui ne l'a pas quittée. Elle a carrément fait toute sa carrière, même les changements de groupe de James Bond. À un moment, il a récupéré les JB's à la place de ses Famous Flames qui s'étaient mis en grève pour avoir une augmentation de salaire. Il les a tous virés. C'était quelqu'un qui avait la fibre sociale chevillée au corps, James Bond. Et donc, il a viré tout le monde. Il a repris des genoux, dont Bootsy Collins. Mais quelques fidèles sont restés à ses côtés, dont Martha Raye, qui est restée jusqu'au bout. Elle a carrément fait le Rumble is the Jungle, c'est-à-dire la fameuse animation musicale autour du combat de Mohamed Ali au Zaïre en 74. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Mais voilà, elle l'a accompagnée partout. Et on est super content parce qu'elle revient maintenant enfin à une carrière sous son propre nom. Et elle a sorti un album produit en Italie par un producteur qui s'appelle Luca Sapio, qui est lui-même guitariste et arrangeur et producteur, qui a son propre studio à Rome et qui vient d'ailleurs de produire un album aussi pour Sugar Ray Rayford, qui est aussi un album soul. Donc c'est un spécialiste de la soul. On est toujours très content quand on a des musiciens italiens qui arrivent jusqu'à nos rivages, parce qu'en général c'est toujours des pointures. Et là, ça va être à nouveau le cas. Ce sont les mêmes musiciens que sur l'album. Et donc, c'est ceux que vous allez entendre maintenant. Martha Raye. Oh, Ce fut une découverte pour moi, Patrick Martha White. Je ne connaissais Martha pas. Hi. Je ne connaissais pas. J'ai essayé de bien faire le Martha. C'était parfait. Et puis voilà, du coup, je me suis plantée sur la suite. Martha High, oui. Ex-choriste de James Brown. Grande dame, grande soul woman. Donc ça aussi, ça se passera au Théâtre Charcot, vendredi 17 novembre. Et à nouveau, là, on vous recommande de réserver. Le lendemain, on revient enfin en Belgique, quand même. Et donc, on ira... j'ai eu peur sur le coup, quand j'ai vu le nom du lieu. Café Mon Oncle, oui, à Ploegsteert. Oui, je me suis dit, ils ne vont pas faire ça dans un bistrot, c'est justement, pas possible. Justement, j'allais dire, je ne connais pas. Est-ce que c'est grand? Mais justement, c'est comme souvent. Nous qui avons sillonné la Belgique en long, en large et continuons, on n'aurait pas dû être surpris. C'est comme d'habitude. On entre dans petit bistrot qui n'a l'air de rien. Et derrière, il y a une salle de 250 places. Voilà, et c'est ça en l'occurrence. Et c'est bien ce qu'il faudra pour accueillir une double affiche avec Guy Verlinde qui vient en One Man Band, le fameux Guy Verlinde, fleuron de la scène belge. Hein, et là, il viendra démontrer ses talents de Rémi Bricard, c'est-à-dire il va jouer à la fois de la batterie, de la guitare, de l'harmonica et chanter tout ça tout seul. On l'a déjà vu sur scène, hein, tout seul. Un phénomène. Oui. Et donc ça, c'est juste en abuse-bouche, si on peut dire. Déjà, on va se rassasier avec un Lascar pareil. Et après, en plat de résistance, on a... Là, l'historique meilleure formation de blues en Angleterre depuis 30 ans. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense vraiment que c'est le cas. C'est Paul Lamb and the Kingsnakes. Encore une entreprise familiale, puisque Paul Lamb a recruté son fils à la guitare. Oui. Et ils ont une formation relativement stable, puisque le chanteur, c'est Chas Terence, depuis le Grand Tchad, depuis plus de 30 ans. Même s'il a eu quelques escapades, il est toujours fidèle au poste. Et le bassiste, c'est Rod Demick, qui est l'ancien bassiste de Jim McCarty, l'ex-batteur des Yardbirds. Voilà, on a un excellent groupe avec un des meilleurs harmonicistes du monde, en tout cas sans doute le meilleur européen. On va écouter ça tout de suite. Paul Lamb and the Kingsnakes. Voilà, Paul Lamb and the Kingsnakes, le vendredi 24 novembre, à 21h, à Café Mon Oncle, à Ploegsteert, chez nos amis cominois. Le berceau de Blues Border, pour ceux qui se souviennent de ce petit torchon. Voilà. Ensuite, le lendemain, comme ça on n'a pas le temps de laisser refroidir, le lendemain, on revient à nouveau au Théâtre Charcot de Marc-en-Barœul, pour là, une des sensations de la saison, puisque C'est rare qu'on reprogramme une artiste qui soit passée il y a si peu de temps. On l'avait fait venir il y a 2 ans à l'Homme, et comme elle a bourré la salle 2 fois, on s'est dit, bon, peut-être qu'une 3e, ça permettra de faire venir les gens qui ne sont pas venus, qui ont trouvé porte close. Et puis ceux, à mon avis, qui ont vraiment pris leur pied ce soir-là, qui seront contents de la revoir moins de 2 ans plus tard. Donc c'est Ana Popović. Ana Popović, qui est la prodige serbe de la guitare électrique. En attendant, maintenant qu'elle est établie aux États-Unis, qu'elle a une carrière internationale, on a tendance à oublier qu'elle a fait sa carrière d'abord en Belgique, puisqu'elle habitait la Hollande et qu'elle faisait tous les festivals genre Peer. Moi, je me souviens de l'avoir vue encore relativement jeune, elle avait 24 ans, elle dédicaçait ses disques au stand, comment s'appelait ce disquaire qui vendait à Peer, un disquaire brugeois. Honky-tonk, voilà, chez Franck. Il y avait une pub dans Blues Border. Il y avait, quelle honte, Alzheimer. Moi, je l'ai vu à Ploegsteert en 2009, je crois. Ah elle, oui, elle on l'a vu, tête oui. D'affiche non, à Ploegsteert. Oui. Ben non, donc c'était pas... Enfin bon, oui, 2010. Oui, je me souviens, oui. 2012, je dirais, alors. Non. Non ça. Bon, enfin bref. Enfin, sur scène, c'est toujours chaud, dans tous les sens du terme, puisqu'elle a des jupes très courtes. Ce qui attire les gens qui d'habitude ne viennent pas écouter de musique, les sourds notamment, oui. qui de toute façon se rattrapent avec la vue. Oui. Et pour ceux qui aiment la musique, en général, c'est oui, très électrique très bien, et très chaud. Oui. D'ailleurs, oui, une démonstration, la plage ouverture d'un de ses récents albums qui s'appelle Can You Stand the Heat, ça veut dire est-ce que vous allez supporter la chaleur ? Ben, c'est à vous de voir. The first impression, baby, can you stand the heat? Try to speak with a dry throat, standing still and shaking knees. All these drops leave me insecurely, head left free. Wanna come across, yes, second to none. My heart's skipping the beat. Oh, about the first impression, baby, can you stand the heat? I've got high expectations. Anna Popovic sera donc le samedi 25 novembre au Théâtre Charcot à Marc-en-Barœul. Alors, on n'a pas parlé tarifs, Patrick. Je vois que ça tourne toujours autour des 15 et 20 euros. Est-ce qu'il y a un abonnement ou un intérêt à prendre plusieurs dates de concert? Oui, on a une espèce qu'on appelle un abonnement à Jazz en Or. C'est un peu une forme de carte de fidélité ou tarif de groupe. En clair, pour au moins 5 concerts achetés, on peut en prendre plus si on veut, on bénéficie du tarif B, qui est le tarif réduit. Par exemple, dans le cas d'Anna Popovic, la place en tarif normal est à 20 euros. Et si on a eu la chance et le bonheur et l'intelligence d'en prendre 4 de plus, eh bien, on passe tout de suite à 16 euros. On bénéficie 4 euros en moyenne par concert. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'on en a au moins un gratuit sur les 5. Oui. Hein, tout simplement. Oui, voilà. Et au-delà, si affinité. On continue et on arrive au mois de décembre. Le vendredi 1er décembre, ça va danser, je crois, au Théâtre Charcot, Patrick. Oui, on anticipait qu'en général, ça commence à geler, donc les gens ont besoin de se réchauffer. Et donc, on programme toujours une soirée swing à ce moment-là. L'intérêt d'une soirée swing, c'est que vraiment, c'est une soirée où les gens peuvent danser. Il y a l'avant-scène qui est dégagée avec du parquet. Ah oui, il y a de la place à Charcot. Et des danseurs, maintenant, ils passent le mot. Donc, on a même de plus en plus de clubs de danse qui viennent et tout l'avant-scène est envahi de gens qui dansent en crinoline, en costume. C'est très rétro, c'est très folklore, c'est chouette. Et c'est sympa pour le groupe. Et pour ceux qui ne veulent pas danser, il y a toujours des places assises dans les gradins. Donc eux, ils ont un double spectacle. Ceux qui ne dansent pas, ils ont les danseurs en contrebas et les orchestres sur la scène. C'est vrai que les groupes doivent apprécier. C'est génial. C'est ce qui fait défaut. Ils aiment bien avoir les gens devant. Ça chauffe. Hein, ça renvoie de l'énergie au groupe aussi. Donc après, ça s'alimente réciproquement. Et donc sur scène, ce sera Ben John and the Big Jives. Ils viennent d'où ? Ce sont des Allemands. Comme pour ceux qui connaissent le swing et la scène actuelle, le Ray Collins Old Club. Ray Collins qui était déjà venu il y a quelques années à Marc-en-Barœul. On a déjà eu des Anglais aussi avec King Pleasure and the Biscuit Boys. Voilà, c'est cette veine-là. Hein. C'est des gens qui jouent en costume, qui swingent en chorégraphie. C'est-à-dire, quand le cuivre ne joue pas, ils dansent en bougeant leur instrument de façon chorégraphiée. Et c'est ce qui contribue à l'ambiance générale. C'est la fête, hein. C'est la musique festive. Hein. Alors Patrick, tu me fais danser ? Ah ben, je ne sais pas, on a une caméra ici. Voilà, Ben John and the Big Jive. For sure looking beat. He had a letter that said greeting gates. The FBI won't let you be late. I'll be drinking wine, but Shorty's got to go. With pretty little girls are fine, but Shorty's got to go. You're so lousy, you took my house, but now you've got to go. About. Don't you know, Shorty has got to go. Et voilà, ça va vraiment bouger à Marcq-en-Barœul le vendredi 1er décembre. Et en première partie, il y a les Bungalow Sisters. Ce sont trois dames avec un groupe derrière. J'ai trouvé un morceau sur Internet et j'ai vraiment apprécié la fraîcheur de ce qu'ils proposent. Tu me disais que c'était des Français. Ce sont des Parisiennes. Oui. Ouais, qui doivent être accompagnées vraisemblablement de musiciens français. Oui. Et leur modèle, c'est le swing vocal des Andrew Sisters. Ce swing juste après-guerre, hein, les Andrew Sisters, oui. qui avaient enregistré avec l'orchestre de Glenn Miller, par exemple. Et alors, le titre que je propose, que j'ai trouvé, c'est une reprise que j'ai trouvée très chouette de Music and Light d'Imagination. Forget your sorrow, let it all fade away. Forget tomorrow, let's start living for today. Let me trade you to the night of ecstasy. I like to hear the sound of a mystic melody. In the spotlight, with the music playing loud, no distraction. Together we are. Show you all the glamour and the gold. Secret fantasies in a showbiz world. Music and light, I sing and dance for you all night. Secret world, a lot of pretty girls you gotta love me though. Whenever you're dancing and you glide across the floor, your eyes are singing and they're calling out for more. Let me trail you through the night of ecstasy. I like to hear the sound of a mystic melody. Music and light, I sing and dance for you all night. Sick with a boom, a lot of pretty girls. Voilà, je lui disais, Patrick, c'est très frais, très joli. Oui. Et ça, donc, ce sera le vendredi 1er décembre au Théâtre Charcot à Marcq-en-Barœul. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui arriveraient en cours de route que nous sommes avec Patrick d'Allongeville et que nous sommes en train d'éplucher la programmation de la saison 2017-2018 de Blues en Or. Voilà, la 16e. Et maintenant, on arrive à Moucron. La date enfin. Moucronoise. Enfin. Vas-y, Patrick. Ça va se passer à. Ben, ça vous dit rien, mais ça va se passer à 50 mètres d'ici. Hein. On a vu quasiment sur la salle. On traverse la rue. C'est voilà, on traverse la rue aux intentions, évidemment. Et on arrive immédiatement au centre culturel moucronois, que les Français s'obstinent à appeler le Centre culturel Marius Taquet. Oui, c'est parce que ça a juste changé de nom, mais qu'il faut que ça rentre dans notre tête. Mais oui, nous les Français, il nous faut du temps. Donc dans 10 ans, il y arrivera peut-être. Ça aura encore changé de nom, sans doute. Et au Centre culturel Moucronois, on a notre pape du blues en Belgique, Marc Lelangue, qui nous concocte chaque année une programmation aux petits oignons. Et cette année, il a vraiment fait très fort, le pépère. Et alors, il nous programme, comme souvent, en ouverture des artistes du cru. Là, un artiste que moi, je ne connais pas, mais que toi, Marie, tu as entendu, Fernando Neris, qui, comme son nom l'indique, est belge. Et après, un duo, sans doute, qui s'appelle Grey and Grumpy. Si je traduis, ça veut dire grisonnant et croulant. Donc, ça ne doit pas être des gens de première jeunesse, à moins que ce soit le Dubourg. Hein. Ça pourrait être des petits jeunes. Mais en tout cas, ce que je connais, c'est la tête d'affiche. Et d'ailleurs, tout le monde la connaît. Et à mon avis, ça va être une soirée d'enfer. Puisque c'est la grande chanteuse texane soul blues, Trudy Lynn. Trudy Lynn, c'est de la bombe. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à écouter, tiens. I don't want no instant breakfast. I'm hungry for something I can't feel. Ah ben, ce sera très bien. Très bon, Trudeline. Donc, je crois qu'on n'a pas dit que ce sera le samedi 2 décembre, donc au Centre culturel Moucronois, à Moucron. Voilà. Chaque année, la nuit du blues à Moucron, c'est le premier samedi de décembre. On ne peut pas le rater. Oui. Et tu y seras d'ailleurs, hein, Patrick ? Ben, je veux, oui. D'abord, je suis obligé. Hein. Je suis d'astreinte. Je suis d'astreinte. C'est... Pour la troisième année d'affilée, je serai confiné au bar. Et il ne voyait rien de tendancieux. C'est là que je travaille, puisque je ne sers pas de bière, je sers de la musique. Je fais 10 jockeys. Voilà. Donc, si vous voulez entendre des musiques de Tataillé entre deux concerts, puisque je fais un peu fil rouge en même temps, vous venez. Et on fera aussi des ribbons, on fera des chenilles qui redémarrent, enfin, des danses du tapis, tout ce que vous voulez. Alors, rien au mois de... Je ne sais pas, il faudra venir voir. Ah bon? Rien au mois de janvier sur la programmation? Un choix parce que c'est l'hiver et que les gens se déplacent moins, parce que c'est juste après les fêtes? Ils cuvent un petit peu la cuite du nouvel an. Leur budget est ruiné, quoi. Enfin, de toute façon, c'est clair. Hein. C'est tous les cadeaux qu'ils ont fait, les traiteurs, les rappels d'impôts impayés, enfin bref. Et donc, au mois de janvier, vaut mieux faire l'impasse. On attendra le 17 février pour revenir à Mouveau. Et là, c'est un nouveau lieu. Oui, c'est un tout nouveau lieu, une nouvelle salle, une grande salle qui s'appelle l'Étoile. C'est assez amusant, si on peut dire, puisque Jazz en Or est en train de changer de direction, non pas de direction, mais de directeur, voilà, exactement. Et maintenant, on a une directrice à Jazz en Or. Et la directrice, qui s'appelle Mélène Hachiba, est l'ancienne directrice culturelle de la ville de Mouveau. Et donc, elle a présidé au projet, avec les élus, évidemment, sans doute, mais au projet de montage de cette salle, qu'elle va inaugurer, sans doute, dans ses nouvelles fonctions maintenant, avec Bonnyfields and the Bones Project. Bonnyfields, c'est une formation funk qui est menée par un tromboniste qui s'appelle Bonnyfields, et qui aussi cultive une musique métissée, un peu comme celle de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, un peu dans la même veine que ce qu'on aura connu en ouverture de saison avec Kenny Neal. Alors, il est en train de préparer un nouvel album qui va bientôt sortir. Je le recevrai certainement avant la date du mois de février. Et bien sûr, nous reparlerons, comme toutes les années, de toutes ces dates au fur et à mesure. Mais là, j'ai l'album sorti en 2013 qui s'appelle Changing for the Future. Et voici Bonnyfield sur Easy Rider avec Lucky Peterson à la guitare. Yeah. Et voilà, c'était Bonnyfield avec Lucky Peterson à la guitare. Bonnyfield qui sera le samedi 17 février à l'Étoile à Mouveau, donc un nouveau lieu pour la programmation de Blues en Or. Oui, et on vous parlait de l'abonnement tout à l'heure. Je parlais d'une moyenne de 4 euros d'économie. Là, ça va être carrément 7 euros, puisque le tarif normal, ça sera 16. Je n'ai pas hors de prix déjà. Tarif abonné, 9. 9 euros en tarif abonné. Je vous rappelle, la formule abonné, c'est simple. Vous achetez 5 concerts d'un coup et vous avez le tarif préférentiel sur l'ensemble. Il y a un site internet avec tout ça, Patrick? Bien sûr, c'est www.jazzenor.com. Et le piège, c'est que Jazz en Or, tel que je vous l'énonce, on a tendance à croire que ça s'écrit J-A-Z-Z-E-N-N-O-R-D. Et en fait, non, on n'a qu'un N. Donc c'est Jazzenor, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. .com, tout à fait. Et là, il y a toute la programmation et il y a toutes les infos sur les réservations, les lieux, les adresses. Et les numéros de téléphone personnel des musiciens. Ah ouais. Et leur adresse. T'as le numéro personnel du musicien suivant. Tout à fait. Ça ne va pas être très difficile, d'ailleurs, dans son cas, puisqu'il n'habite pas très loin. Enfin, même il est belge, hein, c'est évident. Et c'est plus un flamand, donc il est plus du côté d'Anvers, dans mon souvenir. J'ai eu la chance de le voir sans même le connaître. J'ai découvert par hasard un concert gratuit qu'il donnait maintenant, il y a au moins 23 ans, sur la place du marché aux poissons de Tournai. J'étais là tranquillement en train de boire une bière. Dans le loin, j'entends un harmonica. Je fais ça, il y a une hallucination. Je me déplace, qu'est-ce que je vois? Le Dizzy Dave Band, c'était son premier groupe. C'est-à-dire, comme il était jeune, et moi aussi, on avait tous les deux des cheveux. C'était pas... Maintenant, on commence à se ressembler de plus en plus. Oui, mais je joue beaucoup moins bien de l'harmonica que lui, c'est toujours pas. Voilà, Big Dave, c'est sans doute le meilleur harmoniciste belge, hein, sans faire dans le superlatif gratuit. C'est l'ancien harmoniciste des Electric Kings, hein, le groupe de référence en Belgique, hein, le groupe qui a fait pâlir d'envie, voire par moments d'humilité, des Américains de passage. Quand vous avez les Electric Kings en ouverture au Banana Peel, c'était très difficile de passer après, même s'ils étaient gentils, mais vu l'ambiance qu'ils avaient dégagée, enfin, c'était un groupe phénoménal, les Electric Kings. Et parmi les têtes pensantes et leaders de ce groupe, il y avait évidemment Mark Tace. Et le meilleur batteur belge, hein, évidemment, toujours, hein, Willie Mays, hein, une bête de swing. Et on ne va pas tous les nommer, mais à l'harmonica et au chant, il y avait déjà Big Dave Reynier. Big Dave revient à la maison des jeunes Carpe Diem de Vervic, de Comines, rue de Vervic. Carpe Diem, la maison des jeunes de Comines, ça se tiendra le 23 mars, c'est un vendredi, à 20h30. Là, le tarif unique, ce sera 12 euros. Je vous recommande fortement, c'est un concert organisé par la nouvelle ASBL Open Music, qui est le nouveau fer de lance de la programmation jazz et blues, entre autres, et musique du monde, mais très orientée jazz et blues, à Comines. Ce sont des vieilles connaissances, puisque ce sont nos amis du foyer culturel de Comines-Warneton, qui ont longtemps tenu le festival Blues Rock d'Outhem. Jean-Jacques Vandenbroek, son fils Pierre, et une ribambelle de bénévoles hyper motivés. Ils ont tenu leur assemblée générale samedi dernier au foyer culturel de Comines-Warneton, et ils sont remontés à bloc, remontés comme des coucous. C'est reparti pour 20 ans. Ils ont un grand projet à l'horizon 2018 qui va être d'ouvrir enfin un club jazz et blues digne de ce nom du bon côté de la frontière, c'est-à-dire le côté belge. Ça nous rappelle les grands souvenirs à l'époque où on avait un jazz club à Lowe qui s'appelait Docave, qui programmait du blues de façon sporadique et beaucoup de jazz. Là, ça va être beaucoup plus équilibré, il y aura les deux. Du jazz, du blues, dans un lieu convivial, on vous dit que ça. C'est en plus un lieu socialement intéressant, parce que c'est une coopérative immobilière, on peut prendre des parts. Si vous cherchez à joindre ces gens, simplement, ils ont un très beau site internet qui annonce tout le projet et leur programmation actuelle, ça s'appelle Open Music ASBL. Vous trouvez ça sur internet, vous faites Google Open Music Comines et vous aurez tous les détails. En attendant, ces gens-là font venir Big Dave, ce qui prouve que ce sont des gens de très bon goût. Et Big Dave est un artiste que nous aimons beaucoup, puisque l'émission s'appelle Telling You. C'est le titre d'un des albums de Big Dave. Et c'est Big Dave qui a l'honneur de débuter avec nous chaque émission. Alors j'ai choisi un titre que lorsque j'ai entendu Big Dave jouer ce titre, j'en ai eu la chair de poule. Alors, c'est une reprise de Sonny Boy Williamson. Voici Trust My Baby. La, la, la, la, la. I got a right to trust my baby. She always look out for me. La la la la. I got a right to trust my baby. She always look out for me. La la la la. La. You know that sweet woman, man, she's so good to me. Every time my baby walks, I can feel the earth shaking all up underneath my feet. Every time my baby walks, I can feel the earth shaking all up underneath my feet. You know that sweet woman, man, she's so good. Love, love, love, love. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce morceau interprété donc par Big Dave à l'harmonica et au chant. Et il sera le vendredi 23 mars à la Maison des Jeunes Carpe Diem à Comines, Belgique. On continue avec un autre... Ah non, ce sont des Français, j'allais dire un autre groupe belge. Oui, ce sont des Français du littoral, ce qu'on appelle la Côte d'Opale, c'est-à-dire en clair des gens du côté entre Dunkerque et Calais. D'ailleurs, ce sont des gens de grande sainte dans mon souvenir, au moins pour la plupart d'entre eux. Tom and the Tone Masters, c'est un nouveau groupe, ils sont 6. Ils viennent de récupérer l'ancien clavier des Blue Time Shakers, d'ailleurs c'est un scoop, je le sais depuis samedi. À la contrebasse, ils ont Bertrand Couloum, qui est le contrebassiste de Little Bob au sein de ces Blues Bastards. Et bref, Tom, c'est Thomas Hirsch, qui est le guitariste, un de deux guitaristes, des Blues Eaters, un groupe pas ancien, mais quand même assez bien établi de la Côte d'Opale, qui a déjà sorti au moins 2 CD, peut-être même 3 dans mon souvenir. Et Tom, il a une passion, c'est le blues instrumental. C'est assez casse-gueule, hein, se lancer dans le blues instrumental déjà sur scène, faut le faire, mais enregistre un album complet. C'est vraiment, vraiment osé. Et pour moi, le pari est plus que réussi. Et donc, ils ont sorti un premier album qui s'appelle Rhythm Shot. Et on va les accueillir à la MJC de Croix le jeudi 5 avril. La MJC de Croix, 93 rue Jean Jaurès à Croix. Donc, Croix, c'est une ville limitrophe de Roubaix, pour ceux qui veulent situer, près d'Ouascal. C'est la petite salle Jean Cocteau, une salle intimiste avec un son phénoménal. On a choisi de vous passer un des morceaux instrumentaux, ils sont tous instrumentaux, de son album, ça s'appelle Boogie Cha-Cha. Voilà, c'était Tom and the Tone Masters, comme on disait, des instrumentaux. Toi, tu les as déjà vus sur scène ? Non, pas non. Au complet, pas dans cette formation-là. J'ai déjà vu Thomas au sein des Blues Eaters, ouais, ça ouais. C'est sûr. C'est un super guitariste, gaucher. Ça va être un signe. La plupart des guitaristes gauchers deviennent phénoménaux. C'est bizarre. Hein. Donc il n'y a jamais de chanteur avec eux. Tu ne sais pas si... Avec les Blues Eaters, oui, mais oui, dans mais cette formation-là, non. Le parti pris est 100% instrumental. Okay. D'accord. Et voilà. Donc ça, ce sera à Croix, à la Maison de Jeunes, le jeudi 5 avril. Il y a la 11e nuit du blues à Bondu. Oui, le blues au féminin. Deux dames, comme tous les ans. Sophie Reed et Jackie Scott. Mais si vous voulez bien, on reviendra sur cette date après, puisque Patrick, tu ne peux pas rester jusqu'à la fin de l'émission. Et donc, je te laisse présenter un très bon musicien, Sobjørn Ryssager. Oui, très difficile à prononcer, puisque c'est un Scandinave, hein, donc ils ne font rien pour nous faciliter les choses. Donc Thorbjørn Ryssager, qui est à la tête d'une formation imposante, puisqu'il y a des cuivres, claviers, percussions, etc., qui joue un swing blues cuivré. Toujours, lui aussi, assez matiné de funk. Il est capable d'alterner un morceau cuivre, grand orchestre, avec un morceau acoustique, tout seul à la guitare. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce type sur scène. C'est toujours très, très chaud. Ils sont passés à Saint-Saulve, je crois, il y a 3-4 ans. À Saint-André également. Voilà. Et à chaque fois, ils laissent derrière eux des publics conquis qui demandent quelque chose. C'est de les revoir. Et franchement, voilà. Quand on a vu qu'il y avait la date dans ta programmation, on dit « Ouais, chouette, on va le revoir. » Eh oui. Il a une voix délicieuse. Ouais. Ah, une voix profonde et qui fait dresser les poils, comme on dit. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. Patrick, il a des difficultés pour faire dresser les poils. Oui, oui, je fais dresser les poils des autres. En ce moment. Les poils des bras. Des poils des bras, voilà. On va rester décent. Et donc, ça se passera à l'Homme, un endroit aussi où on atterrit souvent maintenant dans la saison. Bizarrement, cette année, on n'y arrive qu'en fin de saison, mais on va avoir deux concerts d'affilée. Là. Enfin, d'affilée, pas beaucoup, pas vraiment, mais les deux derniers concerts se dérouleront à l'Homme. Là, le Thorbjørn, ce sera le 19 avril, à la Maison Folie Beaulieu de l'Homme. On a décidé de vous passer une adaptation d'un morceau très connu, mais dans un arrangement tout à fait original, puisque c'est celui de Thorbjørn Ryssager n'a rien à voir avec aucune des autres versions que je connais. Il s'agit de Baby Please Don't Go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. I don't live on in. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I beg you all night long. Baby, please don't go. You got me way down here. You got me way down here. You got me way down here. Down to the rolling floor. Cheap and high. voilà pour Thorpe John Reiziger. Et là, il vient sur scène hein, avec ses cuivres, avec tout son groupe. Et c'est vraiment très bon. Oui, un gang de swing. Le 19 avril, à la Maison Folie Beaulieu de l'Homme, donc dans le cadre de la programmation Blues en Or pour la saison 2017-2018. Deuxième date à la Maison Folie Beaulieu, Big Daddy Wilson. Oui, là, ce sera la clôture de saison. On terminera le mois de mai, puisque ce sera le dernier jour du mois, le 31 mai, avec Big Daddy Wilson, qui est un bluesman, un chanteur, qui c'est principalement un vocaliste, même s'il pose sur ses pochettes avec une guitare. Il n'en joue pas sur les disques. Et Big Daddy Wilson, c'est quelqu'un qui a découvert bizarrement, hein, il est évidemment né en Caroline du Nord, où il a échappé au blues pendant tout son séjour là-bas. Et puis, il a eu un passage dans l'armée, où il a été incorporé dans les forces américaines, et il a résidé en Allemagne. Et bizarrement, c'est en Allemagne qu'il a découvert le blues. Je ne cherchais pas à comprendre. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et là, ça l'a reconnecté quand même avec une partie de son héritage d'enfance quand il allait chanter le gospel à l'église. Et là, il a commencé à voir le lien qui existait entre les deux musiques. Et puis surtout, il a réalisé qu'il avait une voix qui collait, mais incroyablement bien au blues. Et évidemment, il n'a pas tardé à attirer l'attention d'un producteur. Quelqu'un qu'il soutient beaucoup en ce moment, c'est Rick Beebe, qui coécrit pas mal de titres avec lui sur ses albums. Et Big Daddy Wilson, c'est quelqu'un qui est sur le label Dixie Frog pour la France et qui connaît un beau petit brin de popularité dans l'Hexagone. Voilà, Big Daddy Wilson, ça sera le jeudi 31 mai 2018, évidemment, à 20h30, à la Maison Folie Beaulieu, à l'Homme. Et on l'écoute donc sur l'album Time, sorti en 2015, produit donc... par Eric Beebe, voici Bullfrog. Early one morning, for the rooster crow, I was feeling kind of bad, people. I started walking down the road. I walked down by the river, fell on my knees. Lord, I stumbled across a bullfrog, scared the devil out of me. Bullfrog, down the middle of the road. Bullfrog, big fat green old toad. Everybody said the preacher won't steal. Last night I caught a Snoopy sneaking in my watermelon field. Every man is a liar, that's what the good books say. And if you can't even talk straight, how you gonna show me the way? Bullfrog, down the middle of the road. Bullfrog, big fat green old toad. Bullfrog, make a real good meal. Bullfrog, cut 'em up, put 'em on the grill. Everybody's talking about it won't be long. Everybody's singing about the same old song. Everybody in the streets moving to the beat, Lord. Everybody's running around, shuffling their feet. Bullfrog, life's hard, nothing's fair, and it's the same everywhere. If you got a good home, people, well, you better stay there. I know the grass looks greener up on the other side. You better take them shades off. You better open up your eyes. Some people like to talk and talk a real good game, but when it comes down to it, ain't nothing really changed. Every man is a liar, that's what the good books say. And if you can't even talk straight, how you gonna show me the way? Bullfrog, down the middle of the road. Bullfrog, big fat green old toad. Bullfrog, make a real good meal, Lordy. Bullfrog, cut 'em up, put 'em on the grill. Everybody's talking about it, it won't be long. Everybody's singing about the same old song. Everybody in the streets moving to the beat, Lord. Everybody's running around, shuffling their feet. Bullfrog. Bullfrog. Bullfrog, yeah. Talking about the bullfrog. Bullfrog. Big Daddy Wilson, le jeudi 31 mai 2018, à partir de 20h30 à la Maison Folie Beaulieu de l'Homme. Je reviens donc sur la 11e nuit du blues au féminin qui a lieu à Bondu, à l'espace culturel, le samedi 7 avril, avec donc deux dames, une chanteuse de Chicago puissante et dynamique, Jackie Scott, et une suédoise exilée aux États-Unis, Sophie Reed. Qui séduit par son blues aux accents folk et country. Sophie Reed, on l'écoute de suite. Sophie Reed et Jackie Scott à la 11e nuit du blues au féminin à Bondu le samedi 7 avril. Alors on remercie Patrick là, qui a dû se sauver, Patrick d'Allongeville qui est venu nous présenter cette édition, donc si je ne me trompe pas, 16e édition de Blues en Or, saison 2017-2018. On le remercie surtout pour toute cette belle programmation et tous ces artistes que nous pouvons aller voir. S'il n'y avait pas des gens comme lui, il n'y aurait plus de blues, il n'y aurait plus de concerts. On va choisir un dernier artiste pour revenir sur un artiste pour terminer cette émission. C'est difficile puisqu'on a entendu beaucoup de bonnes choses. Mais nous avons choisi Thorbjørn Risæger. Son dernier album sorti chez Rough Records s'appelle Change My Game. Il se retrouve donc sur scène avec son band, les Black Tornado. Et voici le titre qui donne son nom à l'album, Change My Game. Et voilà pour Sir John Riziger et ses Black Tornado, il est 20h, il est temps de terminer Telling You et de vous laisser avec Yost et son Back to the Roots, mais je vous annonce que la semaine prochaine nous aurons encore un invité puisque Guillaume viendra nous présenter le festival La Forge qui a lieu le 7 octobre à Tournai. Bye bye.